les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle a su tenir tête à l'assassin, elle s'est défendue avec un beau courage. Mais ce qui est étrange, c'est la balle dans le plafond. Elle, c'est Mathilde Stangerson, et c'est Joseph Rouletabille qui parle d'elle et de la balle dans le plafond de la chambre jaune. Ça y est, Rouletabille est au Glandier, là où a eu lieu le crime. Crime sans cadavre, puisque Mathilde Stangerson a réchappé aux assauts de l'assassin. Mais, le mystère de la chambre jaune n'a pas fini de s'épaissir. Voici les épisodes 3 et 4 de ce feuilleton, diffusé pour la première fois sur France Culture, les 3 et 4 août 1983. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Tout a l'air calme. Si l'état de Mathilde Stangerson le permet, à mon avis, le juge de Marquet a sans doute déjà commencé les interrogatoires. Si vite ? Il est magistrat et des plus sérieux, mais le soir, n'oubliez pas, c'est un joyeux noctambule, le compositeur aimé du tout Paris. Ils ne peuvent pas prolonger indéfiniment ses séjours hors de la capitale. Sinclair, regardez. Oui, où ça ? Là, devant la grille du parc. Ah ! On dirait un homme couché par terre. Approchons-nous le plus silencieusement possible. Il est tellement occupé qu'il ne nous entend même pas. Qu'est-ce qu'il peut bien examiner? Tantôt il regarde le mur, tantôt ses pieds, maintenant il regarde le creux de sa main. Mais qu'est-ce que c'est que ce maniaque? Alors bon, tiens. Il s'allonge pour observer la terre. C'est drôle, ce maniaque a une allure qui me dit quelque chose. Hein? Je suis sûr de connaître cet homme. Approchons-nous encore un peu. Frédéric Larsan ! Parbleu ! Ça ne pouvait être que lui ! Frédéric Larsan ? Le grand Larsan ? Lui-même ! Bah alors, mon cher Joseph, l'affaire est en de bonnes mains. Venez, faisons le tour du parc, on ne dérange pas Larsan quand il travaille. En tout cas, pas moi. Mais au fait, vous le connaissez ? Non, pas intimement. Enfin, réputation, quoi. Et comme tout le monde, j'ai toujours eu très envie de le rencontrer. Alors, vous voyez, c'est magnifique. Vous ne serez pas dérangé pour rien. Ah, ben ça, j'en suis ravi. Mais il m'avait semblé Je sais pas, j'ai lu récemment que Larsan était en Angleterre, à Londres, pour élucider, je sais pas trop quelle affaire de titres volés. Et alors, Londres n'est pas aux antipodes, hein? Quant à Larsan, il faut pas le tirer du lit quand une aventure bien compliquée lui est offerte. Les lingots d'or de l'hôtel de la Monnaie, c'est lui, hein? Oui, ben oui. Et lui aussi l'arrestation des perceurs de coffres du crédit municipal. Ah, je me souviens très bien. Oh, c'est vraiment dans son genre un homme remarquable. En tant que policier marginal, on se l'arrache un peu partout. En Europe, en Amérique, dès qu'il se passe quelque chose, on convoque la police du coin, ça ne donne rien, hop, on appelle Frédéric Larsan. Bon, bien sûr, il faudrait commencer par là, mais enfin, il faut ménager les susceptibilités. Hein. Or, qu'y a-t-il de plus susceptible qu'un policier? Attendez, regardez. Qu'est-ce qu'il peut bien chercher? Mais il scrute le creux de sa main. Tiens, le voilà maintenant qui court jusqu'à la grille du parc. Et il regarde encore dans le creux de sa main. Il doit chronométrer un certain trajet. Ça, c'est l'évidence même. Attention, venez, Sinclair, il nous a vus. Courons, sinon il va refermer la grille avant que nous ne soyons entrés. Monsieur Larsan ? Oui. Vous ne m'aviez pas reconnu. Ah, oh, c'est vrai. Nous voudrions simplement savoir si monsieur Robert Darzac est au château en ce moment. Ah. Voici d'ailleurs un de ses amis qui m'accompagne. Permettez-moi de vous présenter maître Sinclair du barreau de Paris. Sinclair, le grand Frédéric Larsan. Non. Monsieur, je suis ravi. Et moi aussi, maître, les amis de Rouletabille sont toujours les bienvenus. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes très aimable. Mon ami souhaitait seulement pouvoir parler quelques instants avec Robert Darzac. Savez-vous s'il est là? Ah, aucune idée, mon jeune ami. Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est ennuyeux, ça. C'est ennuyeux. Je suis désolé. Dites-moi, oui. Monsieur Larsan, un petit renseignement. C'est bien la maison des gardiens qui est là. Oui, en effet. Bon, bah alors ces braves gens vont sûrement pouvoir nous renseigner. Ah, ça m'étonnerait beaucoup, mon cher Rouletabille. Allons, bon, pourquoi? Parce qu'ils ont été arrêtés il y a une demi-heure. Comment? On a arrêté les gardiens, mais... C'est ridicule. Ce sont eux les assassins? Ah, ce n'est pas à vous que j'apprendrai, mon cher maître, que si l'on ne peut pas arrêter l'assassin, on peut toujours s'offrir le luxe de lui trouver des complices. Mais c'est quand même pas vous qui les avez fait arrêter. Ah, Dieu, non, par exemple. Et je ne l'ai pas fait pour une raison bien simple. Je suis à peu près sûr qu'ils ne sont absolument pour rien dans cette triste affaire. Et ensuite? Et ensuite, parce que... rien. Ah, si. Ensuite, cher monsieur Larsan, ensuite, il n'y a pas de complice. Qu'est-ce que vous dites? Mais comment savez-vous? Ah, le cher petit Rouletabille a donc une idée sur l'affaire. Oh, une idée, c'est beaucoup dire. Et comble d'ironie, vous n'étiez pas présent, vous n'avez rien vu et vous n'avez jamais mis les pieds dans le château. Non, mais j'y entrerai. Oh, présomptueux, la consigne est formelle. J'y entrerai si vous me faites rencontrer monsieur Darzac. Mais je ne peux pas. Non, je n'ai pas le droit. Oh, je vous en prie. Allez, soyez pas insensible. Hein? Laissez pas cette grille fermée, c'est trop affreux. Hein? Et puis nous sommes de si vieux amis, monsieur Larsan. Allons, un bon moment. Non, Joseph, je ne peux pas. Laissez-vous attendrir. Souvenez-vous du bel article que j'ai fait sur vous pour l'affaire des lingots d'or. J'ai une excellente mémoire, mais je vous assure que cela n'a rien à voir. Un petit mot. À Darzac pour son ami et moi. S'il vous plaît, juste un petit mot. Mon pauvre ami, vous avez l'air d'avoir sacrément envie d'entrer. Hein? Ah, c'est très sérieux. Non, je vous en prie, donnez-moi les clés. Non, Rouletabille, vous me connaissez. Si c'était en mon pouvoir, je vous rendrais bien volontiers ce service. Mais non, la consigne est formelle. D'ailleurs, je vais rendre immédiatement ces clés. Non, vraiment. Attendez, regardez, on dirait le cabriolet du juge d'instruction. Comment, il a déjà fini? Oh, Rouletabille, vous avez une chance inouïe. Vous vouliez parler à Robert Darzac et justement, le voilà. Hosanna! Bonjour, monsieur Larsan. Bonjour. Voudriez-vous m'ouvrir la grille, s'il vous plaît? Il faut absolument que j'aille prendre le train pour Paris. Tout de suite, voilà. Ah, Sinclair, montrez-vous, c'est urgent, vite. Bien. Merci. Allons, cocher, fouette, je suis en retard. Mais, qu'est-ce que... Arrête, cocher. Oh, là, oh, là, oh, oh. Je ne me trompe pas, j'avais bien vu. Mon cher Sinclair. Ah, mon cher Darzac. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est abominable. Ah oui. Et comment va Mathilde? Mieux, c'est sûr, mais... Peut-être arrivera-t-on à la sauver. Quel choc. Ah, mon pauvre ami. Monsieur Darzac, vous êtes pressé et moi j'ai une chose de la plus haute importance à vous dire. Pardonnez-moi, mais nous ne nous connaissons pas. Et je... Hein? Qui est-ce? J'allais vous présenter. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Darzac? Non, non. Merci encore, monsieur Larson. Avez-vous une clé de la grille ou voulez-vous que je vous laisse la mienne? J'ai ce qu'il faut, merci. Je fermerai en partant. À tout à l'heure. Messieurs, à vous revoir. Bien, Sinclair, je vous en prie, faites vite. Je dois prendre un train. Eh bien, voilà, je me suis permis de venir jusqu'ici avec mon ami Joseph Rouletabille, car c'est le meilleur journaliste que je connais. Comment un journaliste? Mais oui. Vous venez au Glandier accompagné d'un journaliste? Ah, vraiment, Sinclair, vous m'étonnez. La plus élémentaire des sens. Mais... Bon, messieurs, j'ai 20 minutes pour attraper mon train à Épinay. Veuillez m'excuser. Stop! C'est impossible, monsieur Darzac. C'est impossible. Sage, mon garçon. Là, sage. Lâchez immédiatement la bride de mon cheval, monsieur. Sage. Cochez à la gare. Mais, monsieur, c'est le jeune homme qui tient le mort, là. Donnez-moi 3 secondes. Donnez-moi 3 secondes, ensuite vous partirez. Mais c'est insupportable. Enfin, monsieur, que voulez-vous? Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Comment? Qu'avez-vous dit? Non, attendez. Allons, voyons, ce n'est pas possible. Enfin, voyons, monsieur. Oh, non, non, non, ce n'est pas vrai. Je pense que nous devrions rentrer au château, monsieur Darzac. Voulez-vous? Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est cela, rentrons au château. Nous serons mieux pour parler. Venez, Sinclair. Oui. Enfin, Joseph, expliquez-moi, j'ai l'air complètement idiot. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Le presbytère a perdu une... Ah, cette phrase. Darzac, mon cher, voulez-vous mon bras? Vous avez l'air tellement fatigué. Non, non, merci, Sinclair, merci, non. Enfin, si je peux faire quelque chose pour vous, comment puis-je vous aider? Enfin, disposez de moi. Et puis, qu'est-ce qui va arriver avec cette... Et puis, cette phrase aussi, le presbytère... Ah, taisez-vous. Ne dites plus rien. Bien, je vous précède. Joseph, je suis de bonne composition, je suis d'un caractère égal. Bon, vous avez voulu que je vienne au Glandier, j'y suis. Vous vouliez parler à Robert Darzac, je vous ai présenté. Eh ben, c'est parfait, merci mon bon Sinclair. Bah oui, seulement si vous devez me fâcher avec tous mes clients. Oh, voilà une idée, allons. Bah vous en avez de bonnes, vous. Allons. Regardez-le, mon ami. Regardez Darzac. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais enfin, on dirait un zombie. Il marche comme un automate, il a l'air d'un fou, égaré. Oh, fou, c'est exagéré, Sinclair. Mais pas du tout. Enfin, voilà un homme qui partait prendre son train. Bon, d'accord, il était pressé, mais enfin, en dehors de ça, il n'avait rien de surnaturel. Bon, nous l'abordons. Vous lui dites je ne sais trop quoi, ou les questions d'un curé qui a gardé son jardin plein de charme. Enfin bref, une histoire vraiment sans queue ni tête, et voilà le travail. Voilà, le résultat, l'homme est livide, il marche en titubant, il a oublié son train, son travail, ses démarches, et il nous ramène au château. Sinclair, tout ça est exact. Ah oui? Manifestement décousu, mais parfaitement exact. Et alors, vous pourriez au moins m'expliquer tout ce que cela veut dire? Mais j'ai horreur de passer pour un imbécile, moi. Si vous faites preuve d'un minimum de patience, vous le saurez, je m'y engage. Oui, mais enfin, il faut... Tenez, le donjon. Ah, on le voit bien d'ici. Ah oui? Mais pourquoi les deux gendarmes à la porte? Ah oui, c'est bizarre. Monsieur Darzac, pourquoi ces deux gendarmes à la porte? C'est là que les gardiens sont enfermés. Ah, les concierges, c'est vrai. Auriez-vous l'amabilité de me rappeler leur nom? Bernier. C'est ça, Bernier. Oui, ça peut bien vous faire de connaître le nom des gardiens. Ah, ça, mon bon maître. Non, alors là, cessez de m'appeler mon bon maître. Décidément, j'ai horreur de cet endroit. Non, mais franchement, regardez-moi ce château. Le jour où on a distribué le mauvais goût, l'architecte a bénéficié d'une ration supplémentaire. Dieu, que tout cela est laid. Oh là là. Louis XIV est viol et le duc, je vais vous dire, ce n'est plus un mariage, c'est une mésalliance. C'est un peu comme si j'épousais ma bonne. Oh, Saint-Clair, un, Clara est charmante. Deux, il s'agit d'une enquête criminelle et pas d'une visite de musée. Hein? Mmh, il y a eu crime, tentative de crime. Et nous arrivons sur les lieux. Je suis à vous, monsieur Darzac. Bien. Entrons. Merci. Nous vous suivons. Par ici. Saint-Clair, refermez la porte, soyez gentil. Bon, maintenant parlez, je vous prie. Que me voulez-vous? Vous serrez la main. Oh, vous perdez la tête, jeune homme. Joseph. Je ne pensais pas qu'une chose aussi naturelle puisse vous mettre dans une telle fureur. J'ai dit simplement, monsieur, que je souhaitais vous serrer la main. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Vous êtes l'ami de Maître Saint-Clair. Non, dans ça, je suis désolé. Et j'ai de la gratitude envers Maître Saint-Clair. Oh, bah, je vous en prie, ne parlons pas de ça. Je ne vois donc pas pourquoi, monsieur Rouletabille, je vous refuserai ma main. Bien. Mon premier mouvement était un mouvement de nervosité. Je regrette, monsieur Darzac. J'ai vécu quelques années en Russie. J'ai gardé l'habitude de ne jamais serrer la main à quelqu'un de ganté. Fut-il un ami? Ah, monsieur, vous m'outragez. Mais Joseph, c'est fini, ces pitreries, oui. Saint-Clair, ce que votre ami veut dire, c'est que l'assassin de Mathilde Stangerson a laissé une trace de main ensanglantée sur le mur de la chambre jaune. Rouletabille, c'est pas vrai, je rêve. Vous n'allez tout de même pas supposer que Robert Darzac... C'est bien cela, n'est-ce pas, monsieur Rouletabille? Mais enfin, c'est fou, c'est stupide, c'est impossible. Oh, je vous assure que jamais Rouletabille n'a pensé une seconde. Enfin, Joseph, dites-lui. Ben, vous voyez bien. Qu'à cela ne tienne, monsieur, voici mes mains. Sans gants. Êtes-vous satisfait? Pas vraiment. Comment? Voilà. Pas de cicatrice. Cela vous suffit-il? Non. Oh, Joseph! Voulez-vous nous laisser Saint-Clair? Mais il faut... S'il vous plaît, quelques instants. Bon, bon, ben c'est parfait, d'accord. Mais permettez-moi de vous dire que je suis... Que hein? Vous outrepassez les bornes de la bienséance. Voilà. À tout à l'heure, Saint-Clair, ne nous faites pas perdre de temps. Je soupçonnais Darzac. Mais Rouletabille est complètement fou. Le presbytère n'a rien perdu. Le presbytère, je me fous du presbytère. Ce qu'il a perdu ou ce qu'il n'a pas perdu, c'est le cadet de mes soucis. Comment me fâcher avec Darzac, c'est idiot. Ça, c'est idiot. Et surtout à cause de Joseph. Ah, non. Non, ça, je suis pas content. Pas content du tout. Saint-Clair. Ben oui, je vous écoute. Fâché. Moi, fâché? Ah, pas une seconde. Ah. Si, je suis furieux. Ah, c'est bien ce que je me disais. Mais monsieur Robert Darzac avait l'impression que quelque chose vous avait contrarié. Quelque chose? Ben, vous en avez de bonnes. Vous voyez, monsieur Darzac, ce que je vous disais. Je connais bien Saint-Clair, c'est pas un homme à être contrarié pour un oui ou pour un non. Enfin, voyons, Joseph. Venez, mon ami. Monsieur Darzac va nous conduire à la chambre jaune. Et vous ne me quittez plus, c'est promis, hein? Qu'est-ce que je... Parfaitement. Voilà. Là, nous vous suivons, monsieur Darzac. Eh bien, par ici. Je vous garde toute la journée, Saint-Clair. Nous déjeunons ensemble dans le pays. S'il vous plaît, faites-moi la joie de prendre un repas en ma compagnie. Ah, c'est infiniment courtois de votre part, mais... Mais ? Nous étions déjà convenus de déjeuner à l'auberge du donjon, figurez-vous. Au donjon ? Au donjon. C'est ridicule. Le donjon ? Mais oui, vous allez manger n'importe quoi, vous n'y trouverez rien, c'est très mauvais. Du donjon ? Non, oui. Croyez-moi, une réputation comme la leur, ça ne se fait pas en une semaine. Vous êtes sûr? Moi, je suis à peu près certain d'y trouver quelque chose, figurez-vous. Mais disons que nous reviendrons ici après le déjeuner pour travailler, hein, et je ferai mon article. Il paraîtra demain à l'époque. En effet, vous me rendrez bien le service de le porter au marbre. Ah bah oui. Et vous? Comment moi? Ben moi, je reste ici. Ah, monsieur, vous ne rentrez pas avec moi à Paris? Ah, non, pas du tout, je couche au Glandier. Ah, oui, vous couchez au Glandier? C'est sérieux? Mais oui, monsieur Darzac a bien voulu m'offrir l'hospitalité. Quoi? En son nom et en celui de monsieur Stangerson, n'est-ce pas, monsieur Darzac? Mais c'est parfaitement exact, oui. Ah, ben, dans ce cas, alors, je n'ai plus rien à dire. Écoutez. Monsieur Darzac, ce bruit, ce sont les concierges, n'est-ce pas? Oui. Savez-vous pourquoi on les a arrêtés? C'est sans doute ma faute. Vous voyez d'ici leur pavillon? Oui, parfaitement. Bon, ben, sans réfléchir, donnez-moi la distance de la maison des gardiens au pavillon. Ah, ça se mesure, mais je dirais 200 mètres. En effet. Et j'ai dit au juge hier que je trouvais curieux que les concierges aient pu entendre les coups de feu, se vêtir, courir de l'horloge au pavillon, et ce, en 2 minutes. Car il ne s'est pas écoulé plus de 2 minutes entre les coups de feu et le moment où le père Jacques les a rencontrés. Oui, évidemment, c'est pas très clair. Non. Vous dites qu'ils étaient habillés. Ouais, mais c'est ça qui est incompréhensible. Entièrement, solidement et chaudement habillés. Elle en sabots, lui, avec de grosses chaussures lacées. Mais dites-moi, peut-être n'étaient-ils pas encore couchés? Ils ont déclaré s'être couchés à 9h, comme tous les soirs. Et ils n'ont donné aucune explication. Mais, et par ailleurs, monsieur de Marquet a fait tirer tout à l'heure 2 balles de revolver dans la chambre jaune. Mm-hmm. Porte et fenêtres fermées. Nous étions avec lui dans le pavillon des Berniers. Mais vous n'avez rien entendu? Rien, pas le plus petit bruit. Donc ces gens-là ont menti. Il devait être près du laboratoire, habillé, prêt. Mais prêt à quoi? C'est ce que je ne sais pas. Des complices? Non, non, non, certainement pas. Je pense que s'ils avaient été complices, ils seraient au contraire arrivés débraillés, essoufflés, ou ils ne seraient pas venus du tout. Ben oui, mais pourtant... Quand on se jette dans les bras de la justice, avec surtout toutes les apparences contre soi, c'est qu'on n'est pas complice. C'est bien votre avis, mon cher maître. Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la plupart des cas... On est bien obligé de constater. Ah, vous voyez, d'ailleurs, je l'avais dit, je n'arrive pas à croire aux complices dans cette affaire. Alors, pourquoi était-il dehors à minuit? Ah. Qu'ils le disent. Cher monsieur, que les Berniers aient un intérêt à se taire, c'est sûr. Je voudrais même bien savoir lequel. Ah, tout est tellement important en ce qui concerne cette nuit-là. Nous voici donc devant le laboratoire. Et franchement, l'endroit est sinistre. Tous ces vieux chênes noirs, ces feuilles mortes. Oui. Ah. Mathilde aimait beaucoup cet endroit, l'été. Cette année, elle s'y est attardée. Plus que les autres années? Je ne m'en rends pas compte. Elle et son père avaient un travail à finir. Oui, elle préférait être sur place, c'est bien normal d'ailleurs. D'ailleurs, dites dans l'autre côté du pavillon... Peut-être plus agréable ici, nous sommes, si je me trompe, au nord. Oui, oui, c'est exact. Mais l'autre face est ensoleillée et donne sur la campagne extérieure. Bien. Bon, si vous voulez bien me suivre. Je vais allumer une lampe, hein. Attendez, il fait très sombre. Voilà. Voulez-vous sortir le plan, Sinclair? C'est le plan qui a été publié par le matin. Nous allons vérifier ensemble si vous le voulez bien. Je vous en prie. Voilà la lampe qui fonctionne bien. Bon, alors, le vestibule. Oui, c'est ça. La porte d'entrée ouvrant au nord par 3 marches. Oui, c'est clair. À gauche, une fenêtre grillagée. Il y a des grillages. Non. Voulez-vous m'éclairer par ici, face à la porte d'entrée? Alors, on a un escalier et une porte. L'escalier conduit au grenier, c'est bien ça? Oui. Et la porte? Toilette. Voyons un peu. Toilette WC. Bien. Alors là-bas, la porte du laboratoire, sans doute. Oui, c'est bien ça. Alors, ici, laboratoire, deux portes et deux fenêtres. C'est ça, deux fenêtres, une au sud, une à l'ouest, et elles donnent toutes les deux sur le fossé. Et elles sont également grillagées. Vous avez aussi la grande cheminée, là. Hein. C'est celle qu'utilise le professeur pour certaines expériences. Oui, oui, c'est ça. Bon. Les portes, on ne revient pas sur ce que nous avons dit. Pas de porte extérieure, d'accord. On ne peut accéder au laboratoire que par la porte du vestibule. Donc, ici, cette porte-là... C'est celle de la chambre jaune, oui. On n'y accède que par le laboratoire. Nous voici dans la chambre jaune. Alors, une seule fenêtre, une seule porte. La fenêtre est grillagée et donne au sud sur le fossé. La porte, elle, ouvre sur le laboratoire. Aucune autre issue. Voilà, vous avez tout vu. C'est exact, nous avons tout vu, mais nous n'avons peut-être pas encore tout regardé. Oh, le moment est peut-être mal choisi pour faire de l'esprit, Joseph, quand mais même. Mais je ne faisais pas d'esprit, Sinclair. J'ai bien l'intention de regarder, et dans le détail. Je veux que rien ne m'échappe. Mais tout a déjà été examiné. Justement, ça devient beaucoup plus intéressant. Monsieur Darzac. Oui. Puis-je vous poser une question, une seule? Je vous en prie. Quel est, à votre avis, le mobile du crime? Pour moi, monsieur, il ne saurait y avoir, hélas, aucun doute. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rêve. Aujourd'hui, troisième épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rêve, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Le Cocher, Gaëtan Jarre. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rêve. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Monsieur Darzac, puis-je vous demander quel est votre avis sur cette affaire? Hélas, pour moi, le crime ne fait aucun doute. Ah, le crime, expliquez-vous. Les traces de doigts, hein, les écorchures profondes sur le cou et la poitrine de Mathilde. C'est un affreux attentat.